Boko Douiman. Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de cette édition. Plus de clandestinité pour les Burundais voulant travailler en Arabie Saoudite. Ils seront désormais recrutés par des agences bien reconnues par le gouvernement. Vous entendrez les précisions de la porte-parole du ministère en charge des affaires étrangères dès le début de ce journal. Et le Premier ministre donne un délai d'une semaine aux services concernés pour que l'entreprise Sogeas Atom ait les procès-verbaux nécessaires au début des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 3, le tronçon Rumonge-Gitaza. Alain Guillaume Bunyoni a fait le déplacement ce jeudi à Rutumo et c'est là où il a donné cet ultimatum. Et le ministre en charge de l'hydraulique et de l'énergie promet l'électrification de la zone Mouyang et de la commune Nyanzalak en province de Makamba d'ici un peu plus de 3 mois. Ce jeudi, il a rencontré les administratifs et les responsables des différents services de cette province. Notre correspondant se rend en ligne pour les détails. Et l'Université des Grands Lacs a introduit une offre de formation sur les violences sexuelles afin de permettre aux Burundais de bien comprendre cette problématique. Reportage à suivre dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonjour, je venais de le dire, le président de la République du Burundi a dernièrement promulgué la loi portant ratification de l'accord sur le recrutement des travailleurs burundais avec l'Arabie Saoudite. Selon la porte-parole du ministère chargé des Affaires étrangères, désormais ces Burundais ne vont plus partir clandestinement et seront recrutés par des agences bien reconnues par le gouvernement. Sonia Niyubahwe indique toutefois la mise en vigueur effective de cet accord attend les quelques textes d'application qui sont en cours d'élaboration. Suivez-la. L'accord qui concerne la promotion de l'emploi des migrants, d'une part, et la promotion de l'emploi des migrants domestiques qui vont travailler en Arabie Saoudite est aujourd'hui en vigueur. Seulement quelques textes d'application sont en train d'être finalisés par les autorités compétentes. Ce que les gens peuvent faire aujourd'hui, alors les agences qui vont transporter les gens en Arabie Saoudite peuvent d'abord se rassurer de l'actualisation de leur statut auprès de l'Agence de développement du Burundi qui est le seul interlocuteur en ce qui concerne les investisseurs au Burundi. Avant, les gens partaient clandestinement. Mais aujourd'hui, avant de partir, ils seront d'abord enregistrés. Ils vont partir dans un cadre qui est connu. Ils ne vont plus payer des frais de commission pour ceux qui prétendent aller leur chercher du travail parce que ceux-là seront des agences connues et agréées par le gouvernement et qui auront à leur tour des obligations. Aujourd'hui, alors, les gens vont partir d'une façon bien protégée par la loi. Il ne reste que la mise en vigueur de l'accord. Aujourd'hui, alors, ce que je peux dire aux gens, c'est de continuer les préparatifs. La permission finale de pouvoir aller dans les pays arabes, elle se trouve parmi les textes d'application qui sont encore en cours de préparation. Sonia Niyubahwe, porte-parole du ministère en charge des Affaires étrangères au micro de Francine Ndihokubgayo. Et le Premier ministre burundais accorde un délai d'une semaine aux services concernés pour fournir les procès-verbaux à l'entreprise Sogeas Atom ce jeudi à Rutumo. Alain Guillaume Wignoné a précisé que ça permettra de démarrer les travaux de réhabilitation de la route nationale 3, le tronçon Rumonge-Gitaza, environ 8 mois après le lancement officiel des travaux. Rien n'est fait jusqu'à présent. Jean-Pierre Misako. L'entreprise Sogeas Atom, ayant gagné le marché de réhabilitation de la route nationale numéro 3 tronçon Rumonge-Gitaza, est prête à commencer ses activités proprement dites, à condition d'obtenir au préalable des procès-verbaux attestant que les parcelles concernées ne font plus sujettes d'un quelconque problème, selon l'un des représentants de cette entreprise à Rutumo. C'est ce document qu'on a demandé à monsieur le gouverneur, au DG de l'ARB, c'est que les responsables des collines, les responsables des villages se mettent ensemble sur un tronçon de 1 km, 2 km ou bien même les 10 km en disant voilà, nous signons que dans cette zone, il n'y a pas de problème. Sogeas Atom peut venir travailler, démolir les maisons. Donc nous, si on a ce document, à l'heure qui suit, nos machines se mettront en marche. Selon lui, cette entreprise a déjà 70 litiges pendant au tribunal sur des chantiers débutés sans l'accord préalable de la population concernée. Si cette question est vidée, de même que celle du site d'extraction de la latérite, cette entreprise se mettra aussitôt au travail. Le mot secret est accusé. Nous avons le jeudi suivant. Par rapport à cette préoccupation de Sogeas Atom, Alain Guillaume Bunyoni, premier ministre burundais, lors de sa descente à la base technique de cette entreprise à Rutumo ce mardi, donne une semaine à compter de ce 2 juin courant afin que les concernés mettent à la disposition de Sogeas Atom tous les procès verbaux nécessaires au démarrage des travaux. Une semaine après, dit le premier ministre burundais, une inspection conjointe de la primature du ministère de l'Intérieur, du ministère des Finances et du ministère des Infrastructures viendra vérifier si les travaux ont réellement commencé. Le premier ministre burundais appelle la population concernée par de tels projets d'éviter des tricheries et aux sociétés Régie des Eaux, Onatel et BBS de précipiter le déplacement de leurs équipements sur d'autres tronçons restants et enfin éviter dans le futur de faux calculs des indemnités qui retardent le début des travaux comme cela est le cas sur ce tronçon. À l'entreprise de Sogeas Atom, Alain Guillaume Bunyoni exige une œuvre de qualité. Ces travaux, lancés officiellement, cela va faire bientôt 8 mois, n'ont pas encore commencé et des herbes ont déjà poussé autour de certains des engins là où ils sont parqués à Rutumo. Jean-Pierre Misago depuis Rutumo, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Parlons toujours infrastructure. La zone Mouyang de la commune Nyanzalak en province Makamba sera électrifiée dans un peu plus de 3 mois. C'est l'annonce du ministre de l'Hydraulique, Énergie et Mines dans une réunion qu'il a animée ce jeudi à l'intention des administratifs et des responsables des différents services de cette province. C'est au moment où l'éclairage électrique de cette zone n'a réussi que le jour de son inauguration vers la fin de l'an 2019. Correspondance d'Élisée Cuisel. Réagissant aux problèmes liés à l'électricité qui mine la province de Makamba, tels qu'ils ont été exposés ce jeudi par le gouverneur François Ngozirazana, le ministre de l'Hydraulique, Énergie et Mines Ibrahim Ouiseye, dans une réunion qu'il a animée à l'intention des administratifs et des responsables des différents services, affirme que la zone Mouyang de la commune Nyanzalak sera dotée de l'électricité dans une période de plus de 3 mois et que c'est lui qui avait bénéficié. Le marché actuellement déjà connu sera poursuivi en justice. Signalons que 2 ans et demi viennent de s'écouler, cette zone étant dans l'absence totale de l'électricité, au moment où son éclairage, qui n'a duré qu'une seule journée, avait été inauguré vers la fin de 2019 par le président en exercice à cette époque. Son ministre explique que ce projet avait été réalisé par la commune elle-même via le Fonds national de l'investissement communal. Depuis Makamba, Élisée Cuisera pour la radio Isanganiro. Isanganiro, la radio de l'avenir. 13h06 à Bujumbura sur Isanganiro. Ce journal se poursuit. Les commerçants transfrontaliers des pays des Grands Lacs ont besoin de paix et de sécurité pour mieux travailler. Cela ressort d'un forum de ce jeudi sur la consolidation de la paix à travers le petit commerce transfrontalier dans la région des Grands Lacs. Un forum organisé par l'ONG Alerte Internationale. Et d'ailleurs, certains commerçants plaident pour le renforcement de la sécurité sur les frontières. On fait le point avec Jean-Marie Mayong. Avec Jean-Claude. Le projet de consolidation de la paix à travers le commerce transfrontalier Mopaka Chambaletu vise à contribuer à une société plus inclusive avec une meilleure coopération et une paix durable dans la région des Grands Lacs. Ce projet vise 4 résultats selon Narcisse Zindula, le coordinateur de ce projet. À travers ces premiers résultats poursuivis par le projet, on essaie de faire en sorte que les femmes aient le pouvoir d'influencer les décisions dans leur ménage, mais aussi dans leur communauté. Et au deuxième résultat, on renforce économiquement le pouvoir de ces femmes. Le troisième résultat, c'est le résultat qui vise à renforcer le réseautage. Le quatrième résultat, enfin, c'est un résultat qui travaille sur la législation aux frontières, où on voudrait que les lois, les accords et la réglementation dans tous les trois pays puissent être bien compris par les opérateurs économiques pour éviter qu'il y ait des conflits. Son coordinateur précise que sans la paix, le commerce ne peut pas avancer, raison pour laquelle le travail en réseau est important. Le réseautage, pourquoi ? Parce qu'on s'est dit, le commerce transfrontalier, c'est un commerce qui, à la fois, implique plusieurs acteurs sur la chaîne. Même si nous pouvons faire le business gagner et qu'il n'y a pas la paix, tout ce qu'on a gagné, on va le perdre quand il y a les conflits, quand il y a la guerre. Et donc, les acteurs économiques doivent être conscients qu'ils ont un rôle actif à jouer pour promouvoir la paix et renforcer la cohésion sociale. Un des opérateurs économiques apprécie l'organisation du forum et souhaite travailler dans la paix. Pour que les business soient émergents, il faut qu'il y ait la paix. Vous attendez avec moi que dans nos deux pays, vraiment, il n'y a pas suffisamment de la paix pour faciliter notre commerce transfrontalier. Parce qu'au niveau des frontières, on doit checker toute personne qui passe par la frontière pour éviter qu'il y ait peut-être des rebelles qui entrent, soi-disant des opérateurs économiques. Mais s'il y a la paix, il y a moins de barrières. Nous demandons à nos gouvernants de mettre des mécanismes pour éradiquer ces groupes des rebelles qui sont dans notre zone. L'assistant du ministre ayant le commerce dans ses attributions, qui a rehaussé de sa présence pour ouvrir ce forum, précise que le ministère continuera à soutenir les activités commerciales transfrontalières. Le projet Mupaka Chambaletu exerce ses activités dans trois pays, à savoir le Burundi, le Rwanda et la République démocratique du Congo. Je vous l'avais dit dans les titres, les offres de formation dans les facultés de psychologie des différentes institutions universitaires du Burundi ne se suffisent pas elles seules pour que les lauréats à la fin de leur cursus puissent prendre en charge les victimes des violences sexuelles. Certains finalistes du baccalauréat 3 en psychologie clinique à l'Université des Grands Lacs estiment que les théories apprises en classe devraient être complétées par des séances pratiques pour plus de compétences. Le recteur de cette université, Dr Yves Ndaikunda, dit avoir introduit cette matière pour permettre aux Burundais de bien comprendre la problématique des violences sexuelles. Omer Douaye, reportage. Certains finalistes du cycle de baccalauréat faculté de psychologie clinique trouvent qu'il y a des lacunes dans la formation qu'ils bénéficient. Nous accueillons ces apprentissages en classe, mais les offres de formation en genre ne se suffisent pas à elles. Il faudrait mieux compléter les théories par les séances pratiques pour plus de compétences. Béatrice Barandereka, directrice de la proche psychosociale au centre Seruka, prenant en charge les victimes de violences sexuelles, affirme qu'il a fallu des formations complémentaires pour aider les victimes de viols. Quand j'étais à l'université, c'était matière spécifique pour les violences basées sur le genre et les techniques de prise en charge n'étaient pas aussi intégrées spécifiquement dans le cursus universitaire. Donc, je ne sais pas actuellement la situation, mais je vois que les violences basées sur le genre, c'est un fléau qui handicape le développement du pays. Donc, il serait mieux d'intégrer cette matière spécifique dans le cursus universitaire et aussi les différentes techniques de prise en charge des survivants dans le cursus de l'université. L'impact, c'est qu'il y a éveil de conscience à l'endroit de ces étudiants au jeune âge. Donc, il y a éveil de conscience et aussi implication pour qu'il y ait des préventions et la prise en charge. Yves Ndaikunda, recteur de l'université Lumière de Bujumbura, explique que son université a créé le programme des apprentissages en genre pour aider la population au changement de mentalité. La motivation première, c'est d'abord de contribuer au débat du monde par rapport aux questions du genre. Et le genre, c'est déjà un concept tellement polysémique. Beaucoup de gens le comprennent de différentes manières. Donc, il est important que, comme institution d'enseignement supérieur, dans notre quête de la qualité, de pouvoir vraiment organiser des enseignements qui répondent aux questions de l'heure. Et cette formation, je pense que permettra justement à ce qu'on puisse recadrer d'abord par une compréhension commune, et je pense que c'est une des grandes motivations de contribuer au débat du monde, mais également faire savoir réellement c'est quoi le genre, parce que beaucoup de gens parlent du genre à part beaucoup de choses. Ce professeur de l'université trouve que l'université Lumière de Bujumbura a déjà atteint le but visé compte tenu du nombre élevé des hommes qui embrassent ce programme. Vous aurez compris que nous nous sommes trompés. Ce n'est pas l'Université des Grands Lacs, c'est plutôt l'Université Lumière de Bujumbura. Toutes nos excuses. Et le manque... Sensibiliser les journalistes aux questions de genre et à la participation de la femme dans les émissions. Voilà quelques objectifs d'une formation qui a duré 3 jours. Organisée par l'Association des femmes journalistes à l'endroit de 20 médias burundais, dont 4 de la République démocratique du Congo et 4 plutôt de la République démocratique du Congo. Certains journalistes formés disent y avoir appris beaucoup de choses dont ils ne tenaient pas compte auparavant par méconnaissance. Cette formation a été clôturée ce jeudi soir. Un reportage de Jérôme Hakizimana. Agathoni Kibarakukuza, formatrice, en même temps chargée de projets médias paix et genre à l'Association des femmes journalistes AFJO, fait savoir que la plupart des fois, les gens à qui les journalistes tendent le micro sont les hommes, ce qui devrait être changé, d'où l'organisation de cette formation de journalisme sensible au genre. Parce qu'on avait constaté que les femmes sont minoritaires dans les médias, particulièrement parmi les invités, c'est-à-dire les gens à qui les journalistes tendent le micro quand ils vont recueillir l'information. Les questions liées aux besoins spécifiques des femmes, les questions liées au genre ne sont pas souvent mises en avant dans les médias. Des productions sensibles au genre, telles sont les attentes aux journalistes formés, ajoute-t-elle. Les productions médiatiques, je veux dire, qui seront faites par les journalistes qui ont participé, soient plus sensibles au genre. Autrement dit, qu'elles donnent la parole aux hommes et aux femmes de manière équitable, d'une part, et d'autre part, qu'elle soit faite sur des sujets qui prennent en compte les besoins spécifiques des femmes. Certains des journalistes participant à cette formation disent y avoir appris beaucoup de choses qu'ils ignoraient auparavant par méconnaissance. Celle-ci est l'une d'eux. J'ai eu un ajout sur cette formation sur le journalisme sensible au genre parce qu'auparavant, pour faire le traitement d'une information sur terrain, je prenais les interviews pour les hommes et je ne savais pas que prendre les interviews pour les hommes seulement, c'est une faute. Et je tiendrai compte que lorsque j'irai sur le terrain, je vais prendre l'information, que ce soit pour les hommes et pour les femmes, de même bien d'égalité. Agathoni Kibarakukuza appelle les femmes à s'intéresser davantage aux médias et à répondre surtout aux questions des journalistes. Ont bénéficié de cette formation 17 radios, dont 4 Congolais, 2 organisations des professionnels des médias et un journal de la presse écrite. Et pour boucler ce journal, le manque de personnel et des équipements sont entre autres défis qui handicapent la protection efficace de la réserve de Kilwena en Provence et commune Rumonge. Cette réserve est protégée par la loi de 1958, s'étend sur 565 hectares sous la supervision des gardes forestiers. François Moiniram Bonnard, responsable de l'OBPI, le fils burundais pour la protection de l'environnement à Rumonge, dit que si cette forêt était protégée, elle pourrait générer une plus-value pour le trésor public. Selon lui, la biodiversité de cette réserve connaît une nette amélioration ces derniers temps. À commencer par les arbres, ils ne cessent d'augmenter en nombre, vu qu'il n'y a pas de gens qui cultivent au sein de la réserve. C'est vrai que nous n'avons pas fait un inventaire pour avoir des statistiques réelles sur les espèces d'arbres qui sont dans cette réserve. Je me réserve également de m'exprimer sur le nombre, mais le constat est évident, il y a une augmentation. Pour ce qui est de l'espèce animale, dans le passé, il y avait des gorilles, mais aujourd'hui, on ne les voit plus. Peut-être qu'ils sont disparus. Paris, où qu'ils aient fui, car et aussi ont été touchés par la guerre. Cette réserve pourrait générer beaucoup d'argent, renflouer les caisses de l'État et apporter de la plus-value à la province ainsi qu'à la commune. Nous déplorons cependant le manque de collaboration avec les autorités locales qui ne sensibilisent pas la population afin de participer à l'aménagement et à l'entretien de la réserve Argan, que c'est le travail qui revient uniquement à la charge de l'Office burundais pour la protection de l'environnement au BPE. Je demanderai à l'OBPI et à ses partenaires de faire en sorte qu'il y ait plus de gardes, car ils sont peu nombreux, d'où l'inefficacité sur le terrain. L'autre défi auquel nous sommes confrontés concerne la disponibilité des moyens d'aménagement et d'entretien afin d'attirer l'affluence des touristes et d'autres usagers. C'était le responsable de l'Office burundais pour la protection de l'environnement à Rumonge, François Manirambona, traduit par Charles Makoto. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci à Eric Ouimana pour la mise en onde. Toutes nos excuses à nos interlocuteurs de l'Université Lumière de Bujumbura, notamment le recteur Dr Yves Ndayikunda. Nous l'avons confondu à l'Université des Grands Lacs, mais ce sont des institutions sœurs. Il est 13h17 à Bujumbura et sur Isanganiro. Ainsi se referme ce journal au micro. Jean Bosco Douimana a passé un très bon après-midi.